suis mal. Je vais te le faire ressentir. J'en place une pour tous ceux oubliés qui vont jamais revenir. Je râle juste sur l'avenue. PSD qui me colle au cul. Cette ville-là, je l'ai pas voulu. Pour manger, je partais voler. Alhamdoulilah, je sais que j'ai jamais mangé. En hiver, il faisait froid pendant le TP. Ils ont soulevé le hazi, la CRAPT. Et quand je passe en bas chez toi, ouais, je suis les ouais. Un petit câlin, j'espère me faire pardonner. Je fais du rap. Car dans la rue, t'as rien à gratter. Et j'ai fini des faits, j'ai fini fait. J'étais tout seul à terre. T'as changé, ne m'appelle plus mon frère. Ni sa mère, même a dit rangé. Et mes gros, ils m'ont dit t'as du talent, ouais, ni tout dans la vie. Et je prends plus à midi. Ni sa mère, le m'a dit rangé. Et mes gros, ils m'ont dit t'as du talent, donc ni tout dans la vie. J'étais pour Dieu, t'es pas taillard. Pour ça, pour Maxi Kishta. Elle veut élever Balenciaga. C'est possible, mais je n'ai pas la Kishta. On est du job, moi je balance le méga. Maman s'inquiète pour moi. Papa est parti, je sais pas pourquoi. J'parle du Maxi Kishta. J'étais pour qu'il y a des Pattaya. Pour ça, pour Maxi Kishta. Elle veut élever Balenciaga. C'est possible, mais je n'ai pas la Kishta. On est quelqu'un, moi j'balance un méga. Maman s'inquiète pour moi. Papa est parti, je sais pas pourquoi. J'parle du Maxi Kishta. J'ai des bouquets, des pataya. Pour ça, pour Maxi Kishta. Elle veut élever Balenciaga. C'est possible, je n'ai pas la Kishta. On est quelqu'un, moi je balance un méga. Maman s'inquiète pour moi. Papa est parti, je sais pas pourquoi. Je parle du Maxi Kishta. J'ai des bouquets, des pataya. Pour ça, pour Maxi Kishta. Elle veut élever Balenciaga. On est quelqu'un, moi je balance un méga. Maman s'inquiète pour moi. Papa est parti, je sais pas pourquoi. Je parle du Maxi Kishta. Purchase your tracks today.